Small Flanders, 18e partie. Ainsi que ma gouvernante m'avait déguisé en homme, ainsi me joignit-elle à un homme, jeune garçon assez expert en son affaire, et pendant 3 semaines, nous nous entendîmes fort bien ensemble. Notre principale occupation était de guetter les comptoirs dans les boutiques et d'escamoter n'importe quelle marchandise qu'on avait laissé traîner par négligence, et dans ce genre de travail, nous fîmes plusieurs bonnes affaires, comme nous disions. Et comme nous étions toujours ensemble, nous devînmes fort intimes. Pourtant, il ne sut jamais que je n'étais pas un homme. Non, quoique à plusieurs reprises je fusse rentré avec lui dans son logement, suivant les besoins de nos affaires, et que j'eusse couché avec lui 4 ou 5 fois pendant toute la nuit. Mais notre dessein était ailleurs, et il était absolument nécessaire pour moi de lui cacher mon sexe, ainsi qu'il parut plus tard. D'ailleurs, les conditions de notre vie, où nous entrions tard, et où nous avions des affaires qui exigeaient que personne ne pût entrer dans notre logement, étaient telles qu'il m'eût été impossible de refuser de coucher avec lui, à moins de lui révéler mon sexe. Mais comme il l'est, je parvins à me dissimuler effectivement. Mais sa mauvaise et ma bonne fortune mirent bientôt fin à cette vie dont, il faut l'avouer, j'étais lasse aussi. Nous avions fait plusieurs belles prises en ce nouveau genre de métier, mais la dernière aurait été extraordinaire. Il y avait une boutique dans une certaine rue, dont le magasin, qui était derrière, donnait dans une autre rue, la maison faisant le coin. Par la fenêtre du magasin, nous aperçûmes sur le comptoir ou étal, qui était juste devant, 5 pièces de soie avec d'autres étoffes. Et quoiqu'il fît presque sombre, pourtant les gens étant occupés dans le devant de la boutique n'avaient pas eu le temps de fermer ses fenêtres ou bien l'avaient oublié. Là-dessus, le jeune homme fut si ravi par la joie qu'il ne put se retenir. Tout cela était, disait-il, à sa portée, et il m'affirma sous de violents jurons qu'il l'aurait, dût-il forcer la maison. Je l'en dissuadai un peu, mais vis qu'il n'y avait point de remède. Si bien qu'il s'y précipita à la hâte, fit glisser avec assez d'adresse un des carreaux de la fenêtre à châssis, prit 4 pièces de soie et revint jusqu'à moi en les tenant, mais fut immédiatement poursuivi par une terrible foule en tumulte. Nous étions debout l'un à côté de l'autre, en vérité, mais je n'avais pris aucun des objets qu'il portait à la main quand je lui soufflai rapidement « Tu es perdu !» Il courut comme l'éclair, et moi de même. Mais la poursuite était plus ardente contre lui, parce qu'il emportait les marchandises. Il laissa tomber 2 des pièces de soie, ce qui les arrêta un instant. Mais la foule augmenta, et nous poursuivit tous les deux. Ils le prirent bientôt après avec les 2 pièces qu'il tenait, et puis les autres me suivirent. Je courus de toutes mes forces et arrivai jusqu'à la maison de ma gouvernante, où quelques gens aux yeux acérés me suivirent si chaudement qu'ils m'y bloquèrent. Ils ne frappèrent pas aussitôt à la porte, ce qui me donna le temps de rejeter mon déguisement et de me vêtir de mes propres habits. D'ailleurs, quand ils y arrivèrent, ma gouvernante, qui avait son compte tout près, tint sa porte fermée et leur cria qu'aucun homme n'était entré chez elle. La foule affirma qu'on avait vu entrer un homme et menaça d'enfoncer la porte. Ma gouvernante, point du tout surprise, leur répondit avec placidité, leur assura qu'ils pourraient entrer fort librement et fouiller sa maison s'ils voulaient mener avec eux un commissaire et ne laisser entrer que tel que le commissaire admettrait, étant déraisonnable de laisser entrer toute une foule. C'est ce qu'ils ne purent refuser, quoique ce fût une foule. On alla donc chercher un commissaire sur le champ, et elle, fort librement, ouvrit la porte. Le commissaire surveilla la porte, et les hommes qu'il avait appointés fouillèrent la maison, ma gouvernante allant avec eux de chambre en chambre. Quand elle vint à ma chambre, elle m'appela et cria à haute voix, « Ma cousine, je vous prie d'ouvrir votre porte. Ce sont des messieurs qui sont obligés d'entrer afin d'examiner votre chambre. » J'avais avec moi une enfant qui était la petite fille de ma gouvernante, comme elle l'appelait, et je la priai d'ouvrir la porte. Et j'étais là, assise au travail, avec un grand fouillis d'affaires autour de moi, comme si j'eusse été au travail toute la journée, dévêtue, et n'ayant que du linge de nuit sur la tête et une robe de chambre très lâche. Ma gouvernante me fit une manière d'excuse pour le dérangement qu'on me donnait, et m'en expliqua en partie l'occasion, et qu'elle n'y voyait d'autre remède que de leur ouvrir les portes et de leur permettre de se satisfaire, puisque tout ce qu'elle avait pu leur dire n'y avait point suffi. Je restai tranquillement assise et les priai de chercher tant qu'il leur plairait. Car s'il y avait personne dans la maison, j'étais certaine que ce n'était point dans ma chambre. Et pour le reste de la maison, je n'avais point à y contredire, ne sachant nullement de quoi ils étaient en quête. Tout autour de moi avait l'apparence si innocente et si honnête qu'ils me traitèrent avec plus de civilité que je n'attendais. Mais ce ne fut qu'après avoir minutieusement fouillé la chambre jusque sous le lit, dans le lit et partout ailleurs où il était possible de cacher quoi que ce fût. Quand ils eurent fini, sans avoir pu rien trouver, ils me demandèrent pardon et redescendirent l'escalier. Quand ils eurent eu ainsi fouillé la maison, de la cave au grenier, et puis du grenier à la cave, sans avoir pu rien trouver, ils apaisèrent assez bien la populace. Mais ils emmenèrent ma gouvernante devant la justice. Deux hommes jurèrent qu'ils avaient vu l'homme qu'ils poursuivaient entrer dans sa maison. Ma gouvernante s'enleva dans ses paroles et fit grand bruit sur ce qu'on insultait sa maison et qu'on la traitait ainsi pour rien. Que si un homme était entré, il pourrait bien en ressortir tout à l'heure, pour autant qu'elle en sut, car elle était prête à faire serment qu'aucun homme à sa connaissance n'avait passé sa porte de tout le jour, ce qui était fort véritable. Qu'il se pouvait bien que, tandis qu'elle était en haut, quelque individu effrayé ait pu trouver la porte ouverte et s'y précipiter pour chercher un abri s'il était poursuivi, mais qu'elle n'en savait rien. Et s'il en avait été ainsi, il était certainement ressorti, peut-être par l'autre porte, car elle avait une autre porte donnant dans une allée, et qu'ainsi il s'était échappé. Tout cela était vraiment assez probable, et le juge se contenta de lui faire prêter le serment qu'elle n'avait point reçu ou admis d'homme en sa maison dans le but de le cacher, protéger ou soustraire à la justice. Serment qu'elle pouvait prêter de bonne foi, ce qu'aussi bien elle fit, et ainsi fut congédiée. Il est aisé de juger dans quelle frayeur je fus à cette occasion, et il fut impossible à ma gouvernante de jamais m'amener à me déguiser de nouveau. « En effet, lui disais-je, j'étais certaine de me trahir. » Mon pauvre complice en cette mésaventure était maintenant dans un mauvais cas. Il fut emmené devant le Lord Maire et par sa seigneurie envoyé à Newgate, et les gens qui l'avaient pris étaient tellement désireux, autant que possible, de le poursuivre, qu'ils s'offrirent à assister le jury en paraissant à la session afin de soutenir la charge contre lui. Pourtant, il obtint un sursis d'accusation sur promesse de révéler ses complices, et en particulier l'homme avec lequel il avait commis ce vol. Et il ne manqua pas d'y porter tous ses efforts, car il donna mon nom, qu'il dit être Gabriel Spencer, qui était le nom sous lequel je passais auprès de lui. Et voilà où paraît la prudence que j'eus en me cachant de lui, sans quoi j'eusse été perdu. Il fit tout ce qu'il put pour découvrir ce Gabriel Spencer. Il le décrivit, il révéla l'endroit où il dit que je logeais, et en un mot, tous les détails qu'il fut possible sur mon habitation. Mais lui ayant dissimulé la principale circonstance, c'est-à-dire mon sexe, j'avais un vaste avantage et il ne put arriver à moi. Il mit dans la peine deux ou trois familles par ses efforts pour me retrouver, mais on n'y savait rien de moi, sinon qu'il avait eu un camarade qu'on avait vu, mais sur lequel on ne savait rien. Et quant à ma gouvernante, bien qu'elle eût été l'intermédiaire qui nous fit rencontrer, pourtant la chose avait été faite de seconde main, et il ne savait rien d'elle non plus. Ceci tourna à son désavantage, car ayant fait la promesse de découverte sans pouvoir la tenir, on considéra qu'il avait berné la justice, et il fut plus férocement poursuivi par le boutiquier. J'étais toutefois affreusement inquiète pendant tout ce temps, et afin d'être tout à fait hors de danger, je quittai ma gouvernante pour le moment, mais ne sachant où aller, j'emmenai une fille de service, et je pris le coche pour Dunstable, où j'allai voir mon ancien hôte et mon hôtesse, à l'endroit où j'avais si bravement vécu avec mon mari du Lancashire. Là, je lui contai une histoire affectée, que j'attendais tous les jours mon mari qui revenait d'Irlande, et que je lui avais envoyé une lettre pour lui faire savoir que je le joindrais à Dunstable dans son hôtellerie, et qu'il débarquerait certainement, s'il avait bon vent, d'ici peu de jours. De sorte que j'étais venu passer quelques jours avec eux en attendant son arrivée. Car il viendrait ou bien par la poste ou bien par le coche de Westchester, je ne savais pas au juste. Mais quoi que ce fût, il était certain qu'il descendrait dans cette maison afin de me joindre. Mon hôtesse fut extrêmement heureuse de me voir, et mon hôte fit un tel remue-ménage que si j'eusse été une princesse, je n'eusse pu être mieux reçue, et on m'aurait volontiers gardé un mois ou deux si je l'avais cru bon. Mais mon affaire était d'autre nature. J'étais très inquiète, quoique si bien déguisée, qu'il était à peine possible de me découvrir. et je craignais que cet homme me trouvât, et malgré qu'il ne pût m'accuser de son vol, lui ayant persuadé de ne point s'y aventurer, et ne m'y étant point mêlé moi-même, pourtant il eût pu me charger d'autre chose et acheter sa propre vie aux dépens de la mienne. Ceci m'emplissait d'horribles appréhensions. Je n'avais ni ressources, ni amis, ni confidente que ma vieille gouvernante, et je ne voyais d'autre remède que de remettre ma vie entre ses mains. Et c'est ce que je fis, car je lui fis savoir mon adresse, et je reçus plusieurs lettres d'elle pendant mon séjour. Quelques-unes me jetèrent presque hors du sens, à force d'effroi. Mais à la fin, elle m'envoya la joyeuse nouvelle qu'il était pendu, qui était la meilleure nouvelle pour moi que j'eusse apprise depuis longtemps. J'étais restée là 5 semaines, et j'avais vécu en grand confort, vraiment, si j'excepte la secrète anxiété de mon esprit. Mais quand je reçus cette lettre, je repris ma mine agréable, et dis à mon hôtesse que je venais de recevoir une lettre de mon époux d'Irlande, que j'avais d'excellentes nouvelles de sa santé, mais la mauvaise nouvelle que ses affaires ne lui permettaient pas de partir si tôt qu'il l'eût espéré, si bien qu'il était probable que j'allais rentrer sans lui. Mon hôtesse, cependant, me félicita des bonnes nouvelles, et que je fusse rassurée sur sa santé. « Car j'ai remarqué, madame, dit-elle, que vous n'aviez pas l'air si gai que d'ordinaire. Par ma foi, vous deviez être tout enfoncé dans votre souci, dit la bonne femme. On voit bien que vous êtes toute changée, et voilà votre bonne humeur revenue, dit-elle. Allons, allons, je suis fâchée que monsieur n'arrive pas encore, dit mon hôte. Cela m'aurait réjoui le cœur de le voir. Quand vous serez assurée de sa venue, faites un saut jusqu'ici, madame. Vous serez très fort la bienvenue, toutes les fois qu'il vous plaira. » Sur tous ces beaux compliments, nous nous séparâmes, et je revins assez joyeuse à Londres, où je trouvai ma gouvernante charmée tout autant que je l'étais moi-même. Et maintenant, elle me dit qu'elle ne me recommanderait plus jamais d'associer. « Car elle voyait bien, dit-elle, que ma chance était meilleure quand je m'aventurais toute seule. » Et c'était la vérité, car je tombais rarement en quelque danger quand j'étais seule, ou, si j'y tombais, je m'en tirais avec plus de dextérité que lorsque j'étais embrouillée dans les sottes mesures d'autres personnes qui avaient peut-être moins de prévoyance que moi et qui étaient plus impatientes. Car malgré que j'eusse autant de courage à me risquer qu'aucune d'elles, pourtant j'usais de plus de prudence avant de rien entreprendre, et j'avais plus de présence d'esprit pour m'échapper. Je me suis souvent étonné mêmement sur mon propre endurcissement, en une autre façon, que regardant comment tous mes compagnons se faisaient surprendre, et tombait si soudainement dans les mains de la justice, pourtant je ne pouvais en aucun temps entrer dans la sérieuse résolution de cesser ce métier. D'autant qu'il faut considérer que j'étais maintenant très loin d'être pauvre, que la tentation de nécessité, qui est la générale introduction de cette espèce de vice, m'était maintenant ôtée, que j'avais près de 500 livres sous la main en argent liquide, de quoi j'eusse pu vivre très bien si j'eusse cru bon de me retirer. Mais, dis-je, je n'avais pas tant que jadis, quand je n'avais que 200 livres d'épargne, et point de spectacles aussi effrayants devant les yeux. J'eus cependant une camarade, dont le sort me toucha de près pendant un bon moment, malgré que mon impression s'effaçât aussi à la longue. Ce fut un cas vraiment d'infortune. J'avais mis la main sur une pièce de très beau damas dans la boutique d'un mercier, d'où j'étais sortie toute nette, car j'avais glissé la pièce à cette camarade au moment que nous sortions de la boutique. Puis elle s'en alla de son côté, moi du mien. Nous n'avions pas été longtemps hors de la boutique que le mercier s'aperçut que la pièce d'étoffe avait disparu et envoya ses commis, qui d'un côté, qui d'un autre. Et bientôt, ils eurent saisi la femme qui portait la pièce et trouvèrent le damas sur elle. Pour moi, je m'étais faufilé par chance dans une maison où il y avait une chambre à dentelle au palier du premier escalier. Et j'eus la satisfaction, ou la terreur vraiment, de regarder par la fenêtre et de voir traîner la pauvre créature devant la justice qui l'envoya sur le champ à Newgate. Je fus soigneuse à ne rien tenter dans la chambre à dentelle, mais je bouleversai assez toutes les marchandises afin de gagner du temps. Puis j'achetai quelques aunes de passepoil et les payai, et puis je m'en allai, le cœur bien triste en vérité pour la pauvre femme qui était en tribulation pour ce que moi seule avais volé. Là encore, mon ancienne prudence me fut bien utile. J'avais beau voler en compagnie de ces gens, pourtant je ne leur laissais jamais savoir qui j'étais, ni ne pouvaient-ils jamais découvrir où je logeais, malgré qu'ils s'efforçassent de mes pieds quand je rentrais. Ils me connaissaient tous sous le nom de Moll Flanders, bien que même quelques-uns d'entre eux se doutassent plutôt que je fusse celle qu'ils ne le savaient. Mon nom était public parmi eux en vérité, mais comment me découvrir, voilà ce qu'ils ne savaient point, ni tant que deviner où étaient mes beaux quartiers, si c'était à l'est de cité ou à l'ouest, et cette méfiance fut mon salut à toutes ces occasions. Je demeurai enfermé pendant longtemps sur l'occasion du désastre de cette femme. Je savais que si je tentais quoi que ce fût qui échouât, et que si je me faisais emmener en prison, elle serait là, toute prête de témoigner contre moi, et peut-être de sauver sa vie à mes dépens. Je considérai que je commençais à être très bien connu de nom à Old Bailey, quoiqu'ils ne connussent point ma figure, et que, si je tombais entre leurs mains, je serais traitée comme vieille délinquante. Et pour cette raison, j'étais résolue à voir ce qui arriverait à cette pauvre créature avant de bouger, quoique à plusieurs reprises, dans sa détresse, je lui fis passer de l'argent pour la soulager. À la fin, son jugement arriva. Elle plaida que ce n'était point elle qui avait volé les objets, mais qu'une Madame Flanders, ainsi qu'elle l'avait entendu nommer, car elle ne la connaissait pas, lui avait donné le paquet après qu'elles étaient sorties de la boutique et lui avait dit de le rapporter chez elle. On lui demanda où était cette Madame Flanders, mais elle ne put la produire ni rendre le moindre compte de moi. Et les hommes du mercier, jurant positivement qu'elle était dans la boutique au moment où les marchandises avaient été volées, qu'ils s'étaient aperçus de leur disparition sur le champ, qu'ils l'avaient poursuivie et qu'ils les avaient retrouvés sur elle, là-dessus le jury rendit le verdict coupable. Mais la cour, considérant qu'elle n'était pas réellement la personne qui avait volé les objets et qu'il était bien possible qu'elle ne pût pas retrouver cette madame Flanders, ce qui se rapportait à moi, par où elle eût pu sauver sa vie, ce qui était vrai, lui accorda la faveur d'être déportée, qui fut l'extrême faveur qu'elle put obtenir. Sinon que la cour lui dit que si, entre-temps, elle pouvait produire la dite madame Flanders, la cour intercéderait pour son pardon, c'est à savoir que si elle pouvait me découvrir et me faire pendre, elle ne serait point déportée. C'est ce que je pris soin de lui rendre impossible, et ainsi elle fut embarquée en exécution de sa sentence peu de temps après. Il faut que je le répète encore. Le sort de cette pauvre femme m'affligea extrêmement. Et je commençai d'être très pensive, sachant que j'étais réellement l'instrument de son désastre. Mais ma pauvre vie, qui était si évidemment en danger, m'ôtait ma tendresse. Et voyant qu'elle n'avait pas été mise à mort, je fus aise de sa déportation, parce qu'elle était alors hors d'état de me faire du mal, quoi qu'il advînt. Le désastre de cette femme fut quelques mois avant celui de la dernière histoire que j'ai dite, et fut vraiment en partie l'occasion de la proposition que me fit ma gouvernante de me vêtir d'habit d'homme afin d'aller partout sans être remarquée. Mais je fus bientôt lasse de ce déguisement, ainsi que j'ai dit, parce qu'il m'exposait à trop de difficultés. J'étais maintenant tranquille quant à toute crainte de témoignage rendu contre moi, car tous ceux qui avaient été mêlés à mes affaires ou qui me connaissaient sous le nom de Moll Flanders étaient pendus ou déportés. Et si j'avais eu l'infortune de me faire prendre, j'aurais pu m'appeler de tout autre nom que Moll Flanders, sans qu'on parvînt à me charger d'aucun ancien crime. Si bien que j'entamai mon nouveau crédit avec d'autant plus de liberté, et j'eus plusieurs heureuses aventures, quoique assez peu semblables à celles que j'avais eues auparavant.